L'actualité à Nancy et ailleurs. Présentation de l'association Le Café Frippé qui vient de lancer une page LOSO pour soutenir l'association. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Philou et Raphaël. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Donc, alors, on vous avait déjà reçu en fin d'année dernière pour parler d'une friperie solidaire. Mais Café Frippé, ce n'est pas que ça. Redites-nous un peu l'histoire, d'où ça vient, comment ça s'est créé le Café Frippé ? Au départ, ça devait être un café social pour créer du lien social à Tomblaine, proposer des activités et un lieu d'échange et de discussion où on proposait du café et des petites douceurs gratuitement que les adhérents apportaient, en fait. Oui. Et on a reçu des dons en vêtements, etc. Et donc, on s'est mis à proposer une friperie pour recycler les vêtements et en même temps permettre aux gens de s'habiller à petit prix. Donc, il y a eu le Covid, etc., le confinement. Et donc, on a dû arrêter de fonctionner à Tomblaine et on s'est à ce moment-là rendu compte que y avait des personnes comme les sans-abri etc. qui avaient des besoins et qui se retrouvaient dans une situation encore plus précaire que d'habitude. Donc on s'est mis en partenariat avec un mouvement citoyen qui s'appelle Pour Eux. Ils ont une page Facebook pour distribuer des repas gratuits, des vêtements, des couvertures et des produits d'hygiène, donc faire des appels aux dons etc. pendant le premier confinement. Et donc nous, on s'est installé au deuxième confinement, on s'est installé dans le bar Les Trois Petits Points pour avoir un lieu à Nancy. On nous a généreusement prêté les lieux pour justement qu'ils puissent venir chercher ce dont ils avaient besoin pendant le deuxième confinement. Et on a décidé de rester, tout simplement. Voilà, donc ça c'est toujours d'actualité, hein, cette présence aux Trois Petits Points. Oui, c'est ça. On est en zone de gratuité pour les personnes les plus démunies, donc les sans-abri, mais les personnes aussi bénéficiaires des minima sociaux. Oui. Les lundis, mardis, jeudi et vendredi, de 13h à 17h30, aux Trois Petits Points. Alors, ça a l'air fermé, parce que le bar est fermé. Bien entendu, oui. La grille est descendue, mais il faut passer par la porte de l'immeuble, en fait. Mais on est présent à l'intérieur pour distribuer donc des vêtements, des produits d'hygiène, et tout ça gratuitement. Et jusque-là, on était aussi une friperie solidaire, donc pour les étudiants, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de sous. Ils pouvaient venir acheter nos vêtements sur place. Malheureusement, on est de nouveau en confinement, et donc là, on ne va plus pouvoir vendre, fonctionner en friperie, mais la zone de gratuité reste sur place parce qu'il y a des besoins et on ne peut pas faire autrement que de rester, on ne peut pas abandonner tout le monde. Et donc on est en lien avec certaines PMI, avec certaines structures sociales qui nous envoient les personnes qui suivent, qui sont RSA ou réfugiés ou des familles monoparentales ou des choses comme ça. Alors on n'a pas de lien avec tout le monde, mais... On commence à être connu sur la scène nancéienne par les partenaires sociaux qui vraiment commencent à nous rediriger des personnes qui les accompagnent. Malheureusement, là, on pensait reprendre les mercredis en extérieur, maintenant qu'il fait beau à Tomblaine. Finalement, ce ne sera pas possible. On avait une friperie mensuelle, en fait, un événementiel qui revenait tous les deuxièmes samedis du mois, qui va aussi être annulé, etc. Enfin, on a fait des événements d'échange. On a proposé une randonnée avec quelques personnes il y a 2-3 semaines, quand les beaux jours ont commencé à revenir, mais ça non plus, on ne va plus pouvoir le faire. Voilà, il y a une nouvelle fois une rupture, en fait, dans ce lien. C'est ça. Donc, ça s'est encore une fois mis entre parenthèses. C'est pour ça qu'on a créé le projet LOASO, parce que financièrement, on ne peut plus survivre sans les friperies. Depuis que les friperies solidaires ne peuvent plus avoir lieu, c'est automatiquement une rentrée d'argent qui ne se fait plus pour l'association Le Café Frippé. Et voilà pourquoi vous avez lancé cette page LOASO pour soutenir l'association et soutenir votre action. Raphaël. Exactement. En fait, il faut savoir qu'on ne bénéficie d'absolument aucun soutien financier. À l'exception du local qui nous était prêté pour les friperies du mercredi par le maire de Tomblaine, on n'a aucune subvention qui nous permette de faire tourner notre activité. Et la fermeture des friperies, c'était notre seul revenu, notre seule source de revenus fixe, régulière, qui disparaît d'un coup. Et pour pouvoir continuer à proposer ce qu'on propose, pour pouvoir espérer peut-être avoir notre propre local et pouvoir faire évoluer nos actions, évoluer, être plus présent sur la semaine entière, être plus... On a besoin d'une source de financement et c'est pour ça que le LOASO s'est présenté comme la seule option qui nous restait aujourd'hui. Donc cette page, elle est ouverte depuis fin mars. L'argent qu'on va pouvoir vous donner va vous permettre de poursuivre votre action, notamment la zone de gratuité, de proposer après des actions quand ce sera plus possible. Exactement. Même si c'est vrai que notre plus gros objectif, ce serait de trouver un local, il reste des dépenses qu'on est obligé de faire, ne serait-ce que par exemple, on manque de matériel, des portants, des cintres, ce genre de choses qu'on a besoin de pouvoir acheter, Et puis, il y a évidemment les frais fixes, donc tout ce qui est nécessaire à faire tourner la zone de gratuité, tous ces frais fixes-là qu'il faut qu'on puisse couvrir. Bien sûr. Donc, comment on peut faire donc, concrètement, on peut aller sur cette page à l'OSO. On peut aussi vous contacter via les réseaux sociaux. Comment on fait? Bien sûr. Alors, sur notre page Facebook, vous avez la possibilité de nous envoyer directement un message. On est toujours actifs sur Messenger. On répond absolument tous les messages qu'on reçoit. Et sinon, effectivement, par le biais de cette page, il y a la possibilité de faire un don directement. C'est sécurisé. La plateforme est assez intuitive et assez simple par rapport à ça. Un dernier mot, Philou, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour leur dire de vous filer un coup de main? Eh ben, que les personnes les plus démunies, les sans-abri, les personnes au RSA et les foyers monoparentaux sont les plus impactés par la situation et que nous, il faut absolument qu'on reste actifs. Ils ont besoin de nous. Alors, on est soutenus par la commune de Tomblaine, mais ils font ce qu'ils peuvent. Donc, effectivement, on n'a pas de financement, on n'a pas de subvention. Donc, sans ça, on tiendra encore 3 mois et après, on est mort, quoi. Parce que, effectivement, entre les frais bancaires, les frais de location du garage pour nous mettre nos stocks, etc., on ne tiendra pas plus de 3 mois. Il nous reste 200 euros en banque et on dépense 200 euros par mois. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus difficile. Si on ne nous aide pas, on ne pourra pas fonctionner, on ne pourra pas durer. Et évidemment, on ne peut pas rester aux 3 petits points ad vitam aeternam. Donc, le projet, l'envie, c'est d'avoir un local pour créer une espèce de boutique qui serait un café social pour tout le monde. Mais ça, c'est le rêve, on va dire. C'est l'objectif sur le long terme. Mais à court terme, il y a urgence. Et si on ne veut pas mourir, il faut qu'on nous aide. Voilà. Voilà, le Café Frippé qui vous attend donc sur les réseaux sociaux, sur leur page Facebook et puis la page LOSO pour soutenir l'association. Merci beaucoup, Philou et Raphaël. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.